Bon, ceux qui me connaissent vont être très surpris que je fasse jouer les Locos Orchestres aujourd'hui. C'est pas nécessairement mon groupe préféré. Mais pourquoi est-ce qu'on joue l'Appel des Braves? Je vais demander à Eric qui est Pouliot-Tisdale, tu es avec nous? Oui, bonjour, ça va bien. Pourquoi est-ce que dans ce contexte de l'émission d'aujourd'hui, je ferais jouer une chanson comme l'Appel des Braves des Locos Orchestres? Ben, étant donné que c'est une thématique absolument mythique au Québec, l'histoire que tout le monde est métissé et tout ça, comme la chanson des paroles de Locos Orchestres ici. Alors, ça fait une très bonne introduction, je pense, au sujet, avec toutes les réclamations de toutes sortes d'organismes improvisés qu'on a au Québec depuis les années 90, hein, surtout. C'est surtout là que ça a débuté. On dirait que la crise d'Oka, la médiatisation de l'autochtonie au Canada, elle a éveillé plusieurs personnes qui avaient peut-être un symptôme de culpabilité d'être sur une terre colonisée. Et puis, on courut vite, vite, vite pour se trouver un ancêtre autochtone, pour se déculpabiliser de vivre dans la société qu'on a, le développement nord-américain des colonies. Alors, je pense que cette chanson-là, elle reflète un peu ce groupuscule-là. Des gens qui veulent s'identifier à l'autochtonie avec un ancêtre extrêmement lointain, une façon de se déculpabiliser. Cyril Leroux, tu es avec nous? Oui, absolument. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la chanson La paix des Braves de Samian et Loco Locas? Ben, pas trop la chanson. Je pense que la chanson, puis la vidéo, qui est quand même assez, comme Éric disait, métisant, je dirais, ou qui est vraiment, ou dépend sur ce mythe-là d'un passé autochtone, vraiment des Canadiens français ou des Québécois. Mais non, je pense qu'il a fait une très bonne analyse. Bien, merci. Donc, on est aujourd'hui réunis, entre autres, par la parution du livre Distorted Descent de Daryl Leroux. Mais oui. Aussi avec Éric Pouliot-Tisdale qui a travaillé de nombreuses fois sur la question du soi-disant métissage des Québécois, des Premières Nations, des Premiers Peuples, où il y a différentes façons de nommer les peuples autochtones. Donc, tu peux nous introduire à, je sais pas, peu importe qui veut commencer, mais à la problématique? Ben, disons, tant qu'à avoir débuté, je vais continuer. Moi, ce que je pense, si ça vous convient à tous les deux. Oui, tout à fait. Donc, parfait. Donc, moi, je pense que, bon, qu'est-ce qui est disponible? La plupart des archives ont été très, très bien conservées au Québec, étant donné que, disons, en France et en Europe, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de choses sont disparues. Mais au Québec, tout a été bien conservé. Il n'y a pas eu de guerre généralisée où des documents ont été perdus. Et puis le clergé se devait, avant que ce soit les agents des Indiens qui géraient les registres autrefois, à partir de 1851, quand les missions sont tombées sous les juridictions des terres de la couronne et tout ça. Donc, c'était le clergé qui faisait la gérance et l'administration des membres des Premières Nations, puis qui se devait de faire de bonnes observations et tout ça, de garder un œil sur la population. Donc, les données archivées qu'on a sont quand même relativement de bonnes à très, très, très bonnes. Parfois, il y a eu certaines, bon, j'ai remarqué certains, une personne est baptisée à Benaki, elle est mariée Cree, puis finalement, elle est décédée, puis c'est une algonquine. Alors, donc, peut-être qu'éventuellement, les prêtres étaient mélangés jusqu'à un certain point dans les langues et les nations et tout ça au début, les missionnaires. Mais toutefois, ils ont tout de même conservé un bon sum-up de la population, si je pourrais me permettre cette expression-là, de garder une bonne analyse de consistance sur de comment la nation était constituée, puis sur les individus aussi, du côté individuel, c'était quand même assez bien reporté là, les données sur chaque individu. Alors, donc, je pense que de penser que des gens seraient partis dans un sentier de bois puis qu'ils auraient fait des enfants avec des Canadiennes françaises ou vice-versa, puis que personne n'aurait jamais eu leur nom d'enregistré nulle part dans les registres, ben c'est ça, c'est là que le fantasme vient pas mal de là. Et puis, pourtant, tous les registres sont là. Quand quelqu'un me dit, mais il y a plein de registres qui manquent, mais pourtant, on peut faire la généalogie de tout le monde, puis il manque jamais mm-hmm. personne. Ou c'est accessible. Ça m'est arrivé une fois, je pense, dans toute ma vie, de pas trouver une source, de pas trouver une lignée jusqu'au bout, là, tu sais. Jusqu'à ce qu'on en trouve la source, là, originale, ethniquement parlant. Donc, je pense que scientifiquement, on a vraiment la preuve. C'est pas une spéculation, c'est pas un désir, c'est vraiment mathématique et scientifique. Fait que des gens qui pensent que des recherchistes de notre type essaieraient de cacher des choses, mais c'est un déni de la réalité des archives présentes. Il y a beaucoup de déni de réalité dans cette histoire-là. Oui, puis comme si on regarde dans ces registres-là, on voit qu'il y a 13 femmes autochtones qui ont marié des hommes français avant 1680. Et parce qu'on parle vraiment d'un nucléus vraiment petit de Français à cette époque-là, donc la grande majorité des franco-descendants, des Québécois aujourd'hui, vont retrouver une à trois de ces femmes-là autochtones dans leur ascendance. Donc, quand ça vient à mon livre, j'ai fait ma généalogie complète. En fait, Éric m'a aidé à compléter ma généalogie. Éric, c'est un expert généalogue. Puis, ce qu'on a retrouvé, c'est que moi-même, j'étais pas au courant de ça avant de faire des recherches, mais que j'ai trois femmes algonquines ancêtres qui sont toutes nées avant 1650, ce qui est pas rare. Encore une fois, c'est comme la moyenne pour les franco-descendants et les Québécois aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, oui, ça commence dans les années 90, comme Éric en parle, et ça devient vraiment quasiment sens commun parmi un groupe, un petit groupe de franco-descendants et de Québécois, mais quand même un groupe très dédié à se dire aujourd'hui autochtone sur la base d'ascendance dans les années 1600. Tu passes une grosse partie de ton livre à expliquer tout ça, à montrer comment les montages généalogiques se font sur la base d'avoir une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père qui serait peut-être autochtone. Dans bien des cas, c'est même pas vrai, en fait. C'est même pas des autochtones, en réalité. Puis, tu nous démontres ça. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, absolument. Puis, j'en ai parlé avec Éric à plusieurs reprises aussi. J'étais en année sabbatique quand j'ai écrit le livre à Montréal, puis on a pu échanger ces enjeux-là, parce que si tu fais de la généalogie professionnellement, c'est clair que ces femmes-là, ces ancêtres-là, reviennent dans toutes vos recherches. Et c'est un peu ça que moi, j'ai commencé à réaliser en faisant ces recherches-là. Mais en parlant avec des généalogues experts comme Éric et d'autres, eux n'étaient pas surpris d'entendre que c'est toujours les mêmes femmes qui reviennent, par exemple, dans mes recherches sur des forums généalogiques. Donc, par exemple, il y a trois femmes qui reviennent quasiment toujours dans ces forums-là. Une femme en particulier, j'ai calculé que son nom, c'est Marie-Sylvestre, dans les registres. Elle est née en 1624. Elle se marie en 1644 à un Français, Martin Prévost. C'est Prévost, Éric? Je crois, Marie-Olivier Sylvestre, avec Martin Prévost. Alors elle se marie en 1644, puis aujourd'hui, elle a au moins 800 000 descendants, au moins. C'est vraiment par rapport à... Ça, c'est mon estimation très conservatrice. Ça se peut que c'est au-dessus de 2 millions de descendants aujourd'hui. Et ce qu'on voit dans les registres, un peu comme Éric a dit au début, c'est que y a des organismes qui se disent aujourd'hui algonquins, des organismes qui se disent Métis au Québec, des organismes qui se disent même une tribu Abénaki au Vermont puis au New Hampshire, et aussi des organismes qui se disent Abénaki à Sherbrooke, par exemple, au Québec. Tous ces organismes-là vont utiliser Marie-Sylvestre comme, comme ancêtre de base, si vous voulez, pour une, une nouvelle identité autochtone. Donc, cet ancêtre-là, une femme abénakise, est maintenant utilisée pour des identités qui n'ont pas vraiment rapport avec son identité du tout. Alors, c'est vraiment une appropriation de cet ancêtre-là pour des désirs d'individus et d'organismes aujourd'hui. Ça nous dit beaucoup sur, sur ces désirs-là, je crois. Exact. Parce que aussi, quand j'avais fait une espèce de une étude assez, assez allongée, là, disons, du début des années 2000 à peu près jusqu'à 2006-2007, j'avais accumulé un paquet de... J'avais mis plusieurs annonces pour disons, analyser ceux qui faisaient ces requêtes-là d'organismes et tout ça. Et puis, dans la plupart de mes recherches, ça menait souvent à ce couple-là, d'ailleurs, que Daryl vient de mentionner. Alors, c'est vraiment fréquent. C'était pas mal toujours les mêmes. Donc, un peu comme tout le monde au Québec, sont descendants de Abraham Martin, qui était propriétaire des plumes d'Abraham. Il y a eu 8 filles, je pense, puis un garçon, puis tout le monde a à peu près 4 à 5 de ses filles. Mais personne ne se réclame du secteur de France d'Abraham Martin. Puis presque tout le monde aussi a l'ancêtre du premier facteur du Canada, qui était Pedro da Silva. Tout le monde a au moins une ou deux de ses filles comme ancêtre, mais personne ne se réclame portugais. Alors, donc, oui, oui, da Silva, c'est ça, hein? Oui, c'est Pedro da Silva, exact. Oui. C'était en canot autrefois. Oui, puis si, on regarde ces registres-là au niveau démographique, donc vu large, on voit dans les travaux d'histoire démographique qu'on a démontré que les franco-descendants, les Québécois, ont un peu plus que deux fois plus d'ancêtres ou d'ascendance anglaise que d'ascendance autochtone. Exemple. Mais évidemment, ceci ne facture pas dans comment les gens vont s'identifier aujourd'hui pour des raisons très politiques ou politisées. Mais il faut vraiment questionner comment ça devient facile ou même juste sens commun pour que les gens commencent à se dire autochtone juste comme ça un jour. Parce qu'ils ont fait une découverte généalogique. Exact. Puis je pense bien que la crise d'Oka, ça a été un événement médiatique qui parlait des Autochtones dans tous les médias du Canada. Fait que c'est un peu ça, je pense, qui a éveillé la pensée ou l'espèce de sentiment collectif de culpabilité ou quelque chose comme ça. Hein. Inconsciemment. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est intéressant que tu le dis en ce moment. Probablement. C'est une potentialité. Oui. Parce que tout le monde, il me semble que ces spéculations-là d'avoir un ancêtre autochtone part beaucoup à partir des conversations des Indiens de la crise d'Oka. Ça part souvent, c'est souvent une souche de ces conversations-là qui mène à ça se peut que j'ai un grand-père, puis tout ça, puis là, ça part comme ça, tu sais. Fait que j'ose croire que c'est pas une spéculation, mais que ça a quand probablement été. Ça mériterait d'être étudié plus en profondeur, mais j'ose croire que c'est une théorie qui tient debout. L'éveil social collectif là, par rapport à la crise d'Oka, il me semble que ça serait un point solide à cet échec. Oui. J'ose croire. C'est un livre, voyez, ça, Éric. Ça serait un bon livre à écrire, ça? Oui, je pense que oui. Hein? Puis qu'est-ce que je trouvais intéressant aussi, c'était je pense qu'on s'en était déjà parlé, mais Lionel Groulx dans La naissance d'une race, qui donnait des données très intéressantes, c'était que le Louis XIV, il espérait que les femmes amérindiennes acceptent le présent du roi de 150 livres aux filles rouges qui épouseront des Français. Alors, Puis on voyait que finalement, ça n'a pas généré le nombre de mariages que le roi espérait. Que c'est dès lors qu'ils ont fait venir les filles du roi, quand ils ont remarqué que il n'y en avait pas vraiment d'union mixte. Oui, absolument. Ça marchait pas. Ouais, parce que l'idée aujourd'hui, vraiment, au Québec et au Canada français, c'est que ces unions-là étaient tellement nombreuses que ça a vraiment créé une société métissée autochtone. Mais ce qui est arrivé, comme tu disais au début, c'est que oui, il y a des unions où il n'y avait pas de mariage, ils sont peut-être pas inclus dans des registres. Mais dans ces cas-là, les enfants ont été élevés comme Inuit, comme Abenaki, comme Algonquin, dans des communautés de leur mère. Exactement. Puis souvent, le monde aussi, quand le monde chassait, jusqu'à assez récemment, dans les traditions nomades, les gens, parfois, ils s'en vont chasser avec leur mari, ils accouchent, ben le bébé se donne à leur sœur ou leur cousine, puis ils disent, bon, on va se revoir l'année prochaine, puis ils partent chasser avec leur mari. Puis c'était parce que les enfants appartenaient à la communauté, c'était pas mon enfant ou ton enfant, c'était notre enfant. Ouais. Alors souvent, les enfants étaient adoptés comme une forme d'adoption coutumière, là, puis c'était régulier, tu sais. Ouais, fait que ouais. Aussi, c'est d'où les registres manquants, si on pourrait voir ça comme ça. Oui. C'est une des choses que, juste pour revenir à ta question, Christian, puis c'est qu'une des autres affaires qu'on voit dans ces forums généalogiques et aussi dans ce désir-là de devenir autochtone, c'est que il y a des femmes françaises, donc des femmes qui sont nées en France, soit en Acadie ou en Nouvelle-France, dans la vallée Laurentienne, qui sont transformées en femmes autochtones pour faciliter le processus de devenir autochtone aujourd'hui. Mais comment ça se fait? Comment on transforme une femme française en femme autochtone? Je vais donner un exemple, puis je pense qu'Éric, il travaille beaucoup là-dessus aussi par rapport à son travail généalogique. Mais ce qui arrive, c'est que peut-être il y a peu de preuves qu'une femme quelconque est née en France. Donc, on n'a pas des registres par rapport à son baptême. Donc, où on n'a pas des preuves qu'elle a été sur un navire. C'est pas rare dans ces cas-là. Particulièrement pour des femmes qui ont arrivé avant les filles du roi en 1663, qu'on n'a pas nécessairement des documents pour supporter leur présence comme française. Mais s'il y a un questionnement à ce niveau-là, il va arriver que c'est que dans ce mouvement-là, donc j'appelle ça un peu le mouvement d'auto-autonomisation, on peut aussi l'appeler le mouvement des Métis de l'Est, mais on va transformer l'identité de ces femmes françaises-là. Donc, un exemple, c'est Françoise Grenier, qui est née en 1604. Il n'y a pas de raison de croire qu'elle n'est pas française. Plus tard, pendant qu'elle est en Nouvelle-France, elle est dans plusieurs documents, dans différents registres. Puis, on a beaucoup de raisons à penser qu'elle est bel et bien française, née en France. Mais le fait que il n'y a pas exactement des preuves par rapport à sa naissance va donner un peu d'élan à une création d'une histoire ou un mythe autour de son identité. Françoise Grenier est en est une. Il y en a d'autres comme Catherine Lejeune ou Edmé Lejeune, des sœurs acadiennes, qui, par rapport à ce mouvement-là, il y a un historien français à la toute fin des années 1880, qui a écrit une histoire et a spéculé que ces deux filles-là, c'est des femmes Mi'kmaq. Donc, il a dit que c'est des femmes métissées sans preuve, mais il a spéculé. On sait aujourd'hui que c'est des femmes françaises, mais dans les années 50 et 60, d'autres historiens ont un peu repris cette thèse-là et on voyait dans des milieux généalogiques que soudainement, ces deux filles-là deviennent les grands... les petits-enfants, je m'excuse, d'un grand chef Mi'kmaq bien connu. L'histoire, c'est que ce chef-là a envoyé sa fille en France dans les années 1580, encore sans preuve, que leur fille s'est mariée à un Français, était en France pour au moins 20 ans, peut-être 30 ans, est revenue avec ses deux filles métissées en Acadie et c'est comme ça qu'elle se devient métier. Encore, il n'y a pas de preuves pour supporter ça. C'est vraiment au niveau du désir. Et même des tests d'ADN aujourd'hui ont démontré que ces femmes-là, c'est des femmes européennes. Mais même avec ces preuves-là, on sait que, c'est ce que je démontre dans mon livre, que les gens sont pas vraiment là pour avoir des preuves, des faits, mais sont là vraiment pour confirmer ce qu'ils veulent croire par rapport à leur identité. Oui, exact. Bien d'accord avec ça aussi. Ça pose des questions profondes par rapport justement à l'identité, puis à qu'est-ce qui fait d'une personne une personne autochtone ou une personne qui n'est pas autochtone? Oui. Ben, c'est compliqué. Comme moi, regarde, prends mon cas, moi je suis troisième génération. C'est ma grand-mère qui était autochtone. Puis moi, quand quelqu'un, tu sais, moi-même, je me dis pas, hey, je suis un Mohawk. Moi, je dis, c'est ma mère puis ma grand-mère. Tu comprends? Comme les normes de juridiction du Canada, c'est 31 qui ont décidé après 100 ans, après 50 ans, que tout le monde est indien. Ben, moi, je m'avance jamais pour dire je suis un Mohawk ou je suis un Innu. Je me dis non, je dis c'est ma grand-mère, mais j'ai ma carte parce que je fais partie de la bande, mais ça finit là, là. Tandis que la crise identitaire fait en sorte que maintenant tous les C31 disent qu'ils sont des Indiens. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une grande complexité aussi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi C31? Tu peux-tu nous expliquer? C31, ben, c'est avec les normes de la nouvelle loi, des modifications de la loi dues aux critères de comment on dit ça, donc, quand les femmes avaient perdu leur statut dans les années... puis ils ont regagné le statut. Une partie des femmes qui avaient marié des non-autochtones avaient perdu leur statut, puis en 1985, ils l'avaient regagné. Puis à partir de 2011 ou 2012, il me semble, la troisième génération a regagné son statut. Oui. Qui était et hommes et femmes, mais provenant de femmes qui avaient perdu leur statut. Tu sais. Donc, comme je reçois souvent les téléphones, étant donné que j'avais fait mes tests de généalogie là, pour ma petite étude à cet effet-là. Puis il y a quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas si longtemps d'une communauté de Mastéache, un Neptune qui ne connaît rien de sa grand-mère, qui me dit il dit j'ai vu tes recherches puis tout ça, puis il me dit comment qu'il m'a lancé ça? Il m'a dit dans un offre d'emploi pour être gardien de prison, il me demande c'est quoi ma nation? Il dit c'est quoi que je dis? Le gars m'appelle pour me demander ça. Ça veut dire qu'il connaît absolument rien de son contexte autochtone, tu sais. Donc, il m'appelait pour avoir un conseil. Puis j'ai expliqué que l'étude, c'était un peu plus une joke que d'autres choses que j'avais faites pour faire une étude, pour voir qui s'identifiait comme métisse puis tout ça. Alors, je pense qu'il a tout compris à la fin. Mais ça l'expose un peu que c'est assez répandu, tout ça, là. Mais le cas dont tu mentionnes est quand même un peu différent dans le sens que on parle de quelqu'un qui a un ancêtre ou qui est vraiment un grand-parent. Oui, exactement. Ou un arrière-grand-parent. Ça donne une bonne idée que déjà juste ce problème identitaire-là, fait qu'imaginons, tu sais, quand c'est des cas lointains. Oui, alors le niveau d'exagération qui se passe quand c'est à la 10e ou la 12e génération devient même plus clair avec l'exemple. Exact. C'est ça. Oui, puis l'autre exemple que je donne dans le livre, dans le chapitre 3, puis j'espère que le livre va être traduit en français bientôt. Donc, j'espère que ça va se faire l'année prochaine. On a appliqué pour du financement, puis je pense qu'on a quand même des chances pour le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est juste que dans le troisième chapitre, j'explique une autre manière qu'on revendique une identité par rapport à des ancêtres lointains. Et ça implique un peu de récréer l'idée de famille. Donc souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont retourner dans le passé. Ils vont voir un nom, par exemple, Riel. Donc on connaît tous Louis Riel. Tu sais, le grand chef métis de l'Ouest, de la nation métisse, le peuple métisse, puis il était quand même un héros, tu sais, dans le au Québec, au Canada français. Oui. Oui, puis alors les gens veulent un peu s'identifier avec lui. Donc on voit ce nom-là dans le passé, puis on dit, hey, j'ai le nom Riel. Ça veut dire que moi aussi je suis métisse. Mais on sait que Louis Riel n'a pas de descendants aujourd'hui. Il a eu deux enfants. Les deux n'ont pas eu d'enfants eux-mêmes. Et que avoir le nom Riel, ça ne veut pas dire qu'on est métis. C'est pas comme ça que ça marche, la généalogie. Le premier Riel, ou le Riel initial qui arrive en Nouvelle-France, c'est un Irlandais au nom Riley. On l'appelle Riel. Il se marie avec une Canadienne française à la deuxième tiers des années 1600. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de Québécois et Canadiens français qui ont un Riel dans leur parenté lointain. C'est pas rare. Mais ça veut pas dire qu'ils sont relatés du tout ou parentés du tout avec Louis Riel. Alors, on voit des fois des gens qui se disent que c'est mon quatrième cousin, c'est il y a 200 ans, ou c'est mon deuxième cousin, donc ça veut dire que je suis métisse. Donc, il y a ce genre de transformation de l'idée de la famille dans un contexte où aujourd'hui, la grande majorité des gens vont pas savoir. Ils ont même un huitième cousin qui est vivant. C'est très rare qu'on le voit même comme membre de famille. Mais on va faire ça avec des gens il y a 200 ans ou c'est même 400 ans. Donc ça, c'est une autre manière créative qu'on va essayer de s'affilier et de se créer, de s'affilier avec des gens autochtones, mais vraiment de se créer une nouvelle identité autochtone. Ça me fait beaucoup penser où quand les gens ils me disaient « J'aimerais ça que tu cherches mes ancêtres parce qu'il dit « Je le sens ». Il le sent, sent quelque chose. Oui. C'est quasi ésotérique parfois. Là-dessus, on va prendre une pause. Une très courte pause et puis on vous revient tout de suite après. Pour aider les gens, ceux qui travaillent fort pour joindre les deux bouts. C'est pour eux qu'on a mis sur pied l'allocation canadienne pour enfants qui met des centaines de dollars non imposables chaque mois dans les poches de la classe moyenne. Mais les conservateurs ont tout fait pour nous bloquer. Ils aiment dire qu'ils sont au service du vrai monde, mais ce qu'ils font, c'est baisser les impôts des plus riches et imposer l'austérité. Au mois d'octobre, on a le choix. Avancer ou revenir en arrière aux années Harper. Moi, je choisis d'avancer. Autorisé par l'agent enregistré pour le Parti libéral du Canada. À qui l'est donné, à nous l'est donné! Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications. Par l'hébergement de courriels et de sites web, ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à info@kumbit.org. KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook. Somme de retour sur En profondeur. En profondeur sur 90.3 FM, c'est CKUT, dans ce qu'on appelle Montréal, soi-disant Montréal, 90.3 FM donc, et CKUT.ca dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Daryl Leroux qui vient de publier Distorted Descents, White Claims to Indigenous Identity, et avec Éric Pouliot-Tisdale, que si vous cherchez son nom, vous allez trouver des tonnes de documents, qui lui-même travaille dans des documents. Alors nous sommes de retour, et vous êtes toujours avec nous. Allô? Allô? Allô? Ah oui, vous êtes toujours avec nous, oui. OK. Donc, on parlait de toute cette étrangeté du montage généalogique qui va même jusqu'à transformer des femmes françaises en femmes autochtones. Et c'est pas la seule chose. Je pense qu'on pourrait en parler dans des très grandes lignes. On peut aussi parler du fait que c'est problématique en soi que l'autochtonie ou la condition d'être autochtone ou d'identité autochtone soit considérée uniquement en termes de quantité de sang, de blood quantum. Je vous laisse parler là-dessus. Mm-hmm. Ouais, c'est quand même intéressant. Mais ce qui est arrivé, c'est que depuis l'instauration de la loi sur les Indiens, ça a eu un impact collectif aussi dans les communautés autochtones. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là. Tout le monde, les gens sont devenus en quelque sorte, inconsciemment ou consciemment, une partie collectivement attachée, parce que c'est les seules valeurs connues collectivement, puis les seules lois connues collectivement, la loi sur les Indiens. Fait qu'il y a bien du monde qui dit qu'on devrait se détacher de la loi sur les Indiens. Une partie qui disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est juste la couronne qui fait en sorte qu'on existe, qu'on a un droit existentiel, tu sais. Fait que si on enlève notre droit existentiel, qui vient de la couronne, donc la loi sur les Indiens, alors qu'est-ce qui va arriver si on tombe dans les lois provinciales et tout ça? Fait que c'est une sorte de néant d'être dans un pays, associé à la couronne britannique, parce que les documents de la couronne britannique vont toujours avoir leur effet. Et puis, sans dissocier, c'est tout un problème identitaire, ça prendrait comme une espèce de référendum généralisé de toutes les nations autochtones du Canada, puis il y a tellement d'opinions différentes que c'est une chose pratiquement impossible. Tu sais. Fait que, individuellement, il y a bien du monde qui voudrait se dissocier de ça, mais collectivement, il n'y a aucun mouvement pour se dissocier de la loi sur les Indiens, par exemple. Ah. Fait que, vraiment, la loi, l'instauration de la loi, ça a fait aussi tout un gros problème identitaire de ce côté-là. Tu sais. Parce que ça a tout mis les nations dans un seul pays, au lieu de traiter chacun individuellement. Alors, c'est vraiment compliqué. Parce que même le registraire des bandes du Canada a souvent enregistré des gens qui n'étaient même pas associés à telle bande, mais qui ont, tu sais, comme un mastoyage, ils ont décidé que tout le monde était montagnier. Tu sais. C'est le ministère des Affaires indiennes a décidé ça. Puis les gens ne savent pas trop ce qui a été lancé. Puis, c'est un peu ce qui arrive, dans le sens que c'est l'État qui est... On top of the world, si on pourrait dire ça, sur ces lois-là et juridictions-là. Puis, tant qu'il n'y a pas de mouvement collectif des nations autochtones pour qu'il y ait des mouvances sur la loi sur les Indiens, il ne se passera pas grand-chose. T'sais. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que on a une élite qui est éduquée, puis tout ça, qu'on voit souvent dans les médias, puis tout ça, mais c'est un nombre extrêmement limité encore. Fait que, peut-être dans quelques générations, il y aura un mouvement, un plus gros mouvement. De masse qui va avoir suivi ces lignes-là, peut-être que ça va éventuellement on va en arriver à un mouvement collectif plus avec des impacts plus concrets. Mais pour l'instant, c'est ça qui arrive, c'est que tellement de nations différentes avec des opinions différentes que d'essayer d'en conclure quelque chose d'une façon enfantine avec la reine et tout ça, c'est un peu comme une abysse. T'sais. Ouais. Dans le cas de mes recherches, la situation est un peu différente. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une diversité d'opinions par rapport à comment démanteler soit la loi sur les Indiens ou le régime par rapport à la Constitution canadienne. Mais quand ça vient à mon travail, c'est vraiment... Il y a quand même un consensus assez fort parmi les universitaires et penseurs autochtones que une personne n'est pas autochtone à cause d'un ancêtre ou une ancêtre dans les années 1600, il y a 300-400 ans. Exact. Donc ça, c'est pas controversé, là. Ça, c'est quelque chose que je démontre au fur et à mesure que je passe mon argument dans le livre. Et je cite... au moins, je pense que c'est entre 10 et 20 différents penseurs autochtones sur ces questions. Donc, ils écrivent vraiment sur les questions d'appartenance et d'identité autochtone basées dans des lois et des approches autochtones. Donc, il n'y a pas vraiment de controverse quand ça vient à ces questions-là. Donc, oui, il y en a par rapport à l'identité à l'intérieur des communautés autochtones, dont Éric, c'est très connaissant. Mais quand ça vient à dans ce cas ici, des Québécois et franco-descendants des Blancs qui se disent autochtones par rapport à vraiment un argument sanguin, un argument que nous sommes autochtones à cause de cette goutte de sang-là ou ce rapport-là biologique qui a lieu il y a des centaines d'années. Il y a vraiment une opposition. à ce mouvement-là parmi les penseurs et les universitaires, mais aussi par les instances gouvernementales, si vous voulez, ou les agences autochtones humaines. Donc, on voit que les Abénaki, par exemple, ont pris une position contre les revendications d'identité abénakise par ces, je dis en guillemets, là, les tribus abénakises en Nouvelle-Angleterre et aussi les organismes à Sherbrooke. Il y en a trois différents qui utilisent Abénaki. Donc, à Audenac, ils ont passé une résolution contre ces organismes et ces soi-disant tribus-là. Les Mi'kmaq, ici, en Nouvelle-Écosse, ont fait pareil il n'y a pas longtemps, l'année passée, mais ils disent depuis 2013, quand le mouvement ici en Nouvelle-Écosse a devenu quand même très très important. Donc, dans le recensement 2016 en Nouvelle-Écosse, on voit que plus de 23 000 personnes se disent métisses en 2016. Si on va au recensement de 1991, le chiffre était de un petit peu plus que 100. Ça va de 100 à au-dessus de 23 000 dans 25 ans. C'était dans quel secteur, ça, non? Ça, c'est en Nouvelle-Écosse. Ah bon, OK, oui. Alors, c'est les Acadiens ici en Nouvelle-Écosse qui se disent maintenant autochtones. Donc, il n'y a pas vraiment, oui, il y a quand même des gens qui se disent Acadiens et ils s'organisent comme Acadiens, mais vraiment, la grande majorité des Acadiens ici en Nouvelle-Écosse se voient maintenant comme des autochtones. Oui, on n'a pas la même situation au Nouveau-Brunswick. Il y a quand même eu une hausse très importante. Donc, on voit aujourd'hui, c'est environ 10 000 personnes en 2016 dans le recensement qui se disent métis. Mais il faut penser aussi qu'au Nouveau-Brunswick, il y a au moins 5, 6, pas 7 ou 8 fois plus d'Acadiens qu'en Nouvelle-Écosse. Oui. Donc, pourquoi pas? Il n'y a pas 100 000 ou 200 000 personnes. Mais c'est parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une identité acadienne très particulière. Les gens parlent le français beaucoup plus souvent qu'ici en Nouvelle-Écosse et ont tendance à se voir comme appartenir à une collectivité acadienne qui est très différente qu'en Nouvelle-Écosse. Les gens parlent beaucoup moins le français, sont beaucoup plus en relation avec les communautés autour d'eux, d'autres communautés euro-canadiennes, si vous voulez. Oui, donc, on voit que c'est souvent lié au sens d'appartenance que les gens vont avoir à leur identité, ou à une identité c'est plus ou moins dite blanche, une identité sociale. Donc, c'est important de le voir, je pense, dans ce contexte-là, et de comprendre que si on est ici dans l'ancienne Acadie, là, les Mi'kmaq disent non, on ne reconnaît pas un autre peuple autochtone dans notre histoire. Vous êtes soit Mi'kmaq ou vous ne l'êtes pas. Les Abénaki ont dit pareillement dernièrement. Les Inuits ont dit ça à plusieurs reprises dans des causes juridiques contre le mouvement métis au Saguenay puis au Côte-Nord. Au Saguenay puis au Côte-Nord. Les Algonquins ont dit ça dernièrement aussi dans des causes juridiques, mais aussi le conseil, je pense que ça s'appelle le conseil tribal algonquin, mais c'est le conseil qui représente les 9 Premières Nations algonquines au Québec. Au mois de décembre passé, ils ont passé une résolution unanimement disant qu'il n'y a pas un peuple métis distinct dans leur territoire. Et il y a un mouvement très important dans le territoire algonquin, dans des endroits comme Mont-Laurier, Maniwaki, et d'autres endroits dans ces régions-là où il y a littéralement des milliers de personnes qui se disent maintenant autochtones, qui sont en fait des Québécois. Donc, les gens autochtones, les peuples autochtones ont dit très clairement, récemment, avec vraiment la croissance de ce mouvement-là, non, arrêtez. Et pour moi, c'est vraiment important de souligner. Dans ton livre, Daryl, tu parles du fait aussi qu'il y a des groupes métis qui se sont constitués, ou des soi-disant métis, qui se sont constitués contre les souverainetés ancestrales autochtones et contre certains projets qui tenaient à cœur à plusieurs autochtones. Tu peux nous parler plus de ça? Oui, dans le chapitre 4 et 5, dans les deux derniers chapitres avant la conclusion, là, j'explique comment la communauté métisse autochtone, la communauté métisse du domaine du roi et de la seigneurie de Maina, qui est basée à Chicoutimi, dans la ville de Saguenay, Donc, cet organisme-là a eu ses origines. Ses origines vraiment datent de 2005. Donc, elle a été créée en 2005 au mois de janvier. Et ce qui se passe, c'est que dans cette région-là, donc on parle de Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, dans le territoire Innu, il y a eu une annonce. Le domaine du Rouen. Pardon? Le domaine du Rouen. Oui, c'est ça. C'est celui qui est au domaine du roi et la seigneurie de Mingan, ça dans leur nom. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a une annonce publique par rapport à des revendications territoriales, des négociations qui se font entre les deux instances gouvernementales puis des peuples Innu, des Premières Nations Innu. Et une fois qu'il y a, il y a une annonce publique en 2000 et 2001 par rapport à une entente en principe qui va s'appeler après l'approche commune, on voit qu'il y a vraiment une levée de boucliers par rapport à, en particulier des Québécois dans la région qui, en particulier, sont des chasseurs, des fois des pêcheurs, mais aussi des gens qui ont comme une villégiature dans la campagne, des fois c'est des rivières ou des lacs dans la région. Et il y a tout un mouvement contre les Innu qui se développe. Donc, il y a trois organismes qui sont fondés à cette époque-là, donc à 2002, à 2004, qui existent vraiment pour opposer les Innu, en particulier les revendications territoriales qui se négocient. Et il y a même un organisme qui est créé qui s'appelle l'Association pour le droit des Blancs. Donc, cet organisme-là a pu avoir, je pense que c'est jusqu'à 3000 nouveaux membres par 2004. Et avance quand même un discours très violent par rapport, agressif, hostile par rapport aux Innu. Le leader du mouvement appelle les Innu à des manifestations publiques. Le Taliban Rouge, par exemple, il écrit des articles dans des médias régionaux. Et une fois qu'il y a une cause juridique de la Cour suprême, donc c'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Pauli, en 2003, en mois de septembre, ce mouvement-là pour les droits des Blancs, anti-autochtones, développe une nouvelle stratégie, et cette stratégie-là, c'est de se dire autochtone. Donc, j'ai des entrevues avec ces gens-là de 2007, donc environ 2 ans après la création de l'organisme, qui en parle ouvertement du fait que pour eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils aident les Blancs. C'est vrai qu'ils se disent maintenant autochtones, mais comme j'ai expliqué au début, la grande majorité des Québécois vont pouvoir trouver une ascendance autochtone dans les années 1600. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la région. Le président de l'organisme, dans son entrevue qui présente dans une cause juridique en 2007-2008, il va dire que lui, il a 30 ancêtres de souches autochtones. Mais j'ai été voir la généalogie qui est soumise dans la cause. Et en fait, devine qui est son ancêtre de souche, qui lui rend métis, c'est Marie-Olivier Cézanne. Sa seule ancêtre. Donc, on voit vraiment que ce mouvement-là développe une nouvelle stratégie par rapport à des changements juridiques. Et je peux en discuter plus si vous voulez, mais le point vraiment, c'est qu'il y a un changement juridique au niveau de loi et de droits autochtones qui touche aux gens qui se disent métis. Mais il faut pouvoir prouver qu'on fait partie d'une collectivité métis historique continue. Et c'est ce qui se passe au Québec en ce moment. Depuis 2014, il y a eu au-dessus de 40 causes juridiques au Québec. Et tous ont échoué. Donc, c'est souvent des individus qui vont se faire arrêter pour chasser hors saison ou prendre trop de poissons, par exemple, à la pêche, ou qui ont comme une cabane de chasse, un camp de chasse sur des terrains publics. Donc, ils se font arrêter, puis ils ont des amendes, ils vont aller en cours. Donc, on voit que ces sont souvent supportés par ces organismes-là. Dans les faits, la communauté métisse du domaine du roi et de la seigneurie de Magnan a été en cours maintenant, ou au moins ses membres ou des gens de la région, de ce territoire-là, Innu, ont été en cours plus que 40 différents individus. Et ils ont tous perdu en cours parce qu'ils n'ont pas pu démontrer l'existence d'une communauté métisse historique. C'est le avocat qui m'avait demandé certains papiers qui voulait que je lègue mon livre que j'avais fait sur les familles d'Oka. Ouais. Qui voulait s'en servir, puis je lui ai dit, écoutez, je me désiste, j'ai dit, personnellement, je viendrai jamais témoigner pour vous, mais c'était, ouais. Il m'avait demandé, c'est l'avocat. Ah, oh, c'était quelqu'un de cet organisme-là? Oui, c'était leur avocat, là. Oh! Okay. Leur avocat m'avait demandé de faire des choses pour eux il y a près de 10 ans, si je ne m'abuse, hein. Ça fait longtemps. Ah, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça, mais c'était ça fait longtemps. Oui. Entre 5 à 7 ans, à peu près. Tu sais. Puis il m'avait appelé, puis il m'avait demandé si je pouvais aller témoigner pour eux, puis s'ils pouvaient se servir de mes études qu'ils avaient faites sur mes radios paroissiaux de Kanesetaki. Wow! Bizarre, hein? Oui. Qu'est-ce qui est curieux, c'est que dans l'ouvrage qu'il voulait utiliser, j'expliquais que la plupart des unions mixtes avaient servi aux sulpiciens. On parlait des raisins et tout ça, là, comme tu l'as mentionné. C'est ça. Fait que il trouvait ça intéressant qu'il y avait eu beaucoup de métissages près du village d'Oka, sauf que ces métissés-là ont servi les sulpiciens pour en quelque sorte gérer la réserve le village. Oui. On n'a plus beaucoup de temps, mais c'est entre autres à la fin de ton livre, Daryl, tu fais entre autres une mention de pourquoi c'est important de s'opposer à ces revendications qui remettent en question aussi la question les questions réelles autochtones. Oui. Tu peux nous dire pourquoi? Ah oui, ben je veux dire principalement. Ce que je dis, c'est que si on regarde la perspective qui a été partagée, encore une fois, par les universitaires, les penseurs autochtones et aussi les communautés autochtones eux-mêmes, on voit qu'il y a un grand consensus de personnes et de groupes qui sont vraiment contre ces revendications-là. Donc, pour moi, ça devrait vraiment être un peu ce qui gère comment on se situe dans cette situation, c'est quoi notre opinion par rapport à ça. Ça devrait arrêter là, vraiment, parce qu'on est dans une situation maintenant, on appelle ça réconciliation, juste en guillemets, et on veut souvent mettre de l'avant les voix autochtones, on veut vraiment savoir un peu ce que les gens autochtones ont à dire par rapport à des enjeux qui les affectent, et les gens autochtones en parlent, puis ils disent, dans ce cas ici. Donc, je pense que si les Québécois, les franco-descendants qui ne sont pas Québécois veulent vraiment s'impliquer ou veulent dans un genre de justice sociale par rapport à la violence qui est continue contre les peuples autochtones, ils veulent vraiment honorer leur ascendance, ben c'est le temps vraiment d'écouter ce que les gens autochtones ont à dire. Puis c'est que se dire autochtone à la base d'une ancêtre ou d'une ascendance aux années 1600, c'est pas raisonnable. C'est pas quelque chose qui est supporté. Éric, je te laisserai le mot de la fin. Oui, ben, je suis entièrement d'accord avec ce point de vue-là qu'on partage d'ailleurs. Écoute, je pense que c'est un grand débat qui devrait, à mon avis, je pense que les responsables en cours devraient mettre un terme à tout ça. Les lois, c'est complexe, les lois, mais ils devraient faire une dernière juridiction ou quelque chose de représentatif pour mettre un terme à tout ça, ou de qualifier ça de fraude, parce qu'en quelque sorte, c'est une fraude de s'accaparer l'identité de quelqu'un. Ouais. Alors donc... Parce que moi, si j'arriverais puis que je dirais que je suis devenu portugais parce que j'ai l'ancêtre Pedro da Silva, je pense qu'il m'amènerait probablement à l'hôpital de déficience mentale, tu sais. Puis il me dirait, ben monsieur, vous avez besoin d'un suivi, là. Ça va pas, là. Vous n'êtes pas un portugais, là, parce que vous avez un ancêtre de 1640 qui est portugais. Alors, je serais traité d'une façon psychiatrique. Tu sais, c'est pour être vous voyez mon point de vue, là, tu sais. Ouais. C'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. Néanmoins, Miigwech, merci. Merci. Alors, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Donc, Daryl Leroux, le livre, je vous rappelle le titre, c'est, ça s'appelle Distort Descent. C'est publié par les presses de l'Université du Manitoba. Et Éric Pouliot-Tisdale, vous avez qu'à taper son nom sur Google et vous trouverez plein de choses, et sur YouTube et à plein d'autres endroits. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Bye bye.